Ce soir, nous entamons le troisième segment de cette Rétro Undead 2014. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Mis à part ceci, voici Réanimation, bande de cons. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il ne fait pas la différence entre prise de sang et vampirisation. Vous devriez prier pour ne pas y survivre. Enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Et en débutant, une présentation. Napalm Storm. Go. Je ne vous souhaite pas les bienvenus à cette nouvelle édition de réanimation en ce... Je me rappelle plus. 27 janvier de l'an de disgrâce 2015. Ah, j'ai vraiment des blancs de mémoire épouvantables. Oui, c'est la troisième édition, chapitre plutôt, de cette Retro Undead 2014 qui se veut la rétrospective de mes choix musicaux en matière de métal, bien entendu. J'ai dit troisième et je vous annonce qu'il va probablement en avoir une quatrième, effectivement. Mais d'emblée, comme je l'ai fait la semaine dernière et comme je l'ai fait cette semaine et comme probablement je le ferai la semaine prochaine, je débute avec une présentation. En fait, cette semaine, j'en aurai même deux. Il s'agissait à l'instant de la formation vient d'Espagne, plus précisément de Zaragoza. Je ne sais pas vous dire où exactement en Espagne. Il s'agit de Napalm Storm. C'est une jeune formation qui en est à son premier album complet. En fait, selon leur discographie, il n'y a pas de démo apparu ou quoi que ce soit ou sorti officiellement avant. C'est le première sortie. L'album porte le titre de Armless Cruelty. C'est une formation qui est active de 2010, depuis 2013, mais qui initialement jusqu'à 2013 portait uniquement le nom de Napalm. Bon, ils ont décidé d'acheter le suffixe Storm à partir de 2013. Formation, bien entendu, vous aurez connu comme étant un groupe de trash metal. Je dois vous dire pourquoi est-ce que j'ai retenu cette formation. Pas parce que c'est une nouveauté proprement dit, parce que l'album est sorti quand même à la fin mai 2014, parce que moi je l'ai découvert sur le tard. J'ai découvert pendant la pause, la période des fêtes, et j'ai trouvé ça relativement intéressant dans le sens où il y a beaucoup de trash metal qui se font maintenant depuis, je dirais peut-être les deux dernières années, il y a une grosse recrudescence pour le trash metal. C'est tout le temps la même chose. Et spécialement au niveau des vocaux. Le vocal des groupes est pratiquement tout le temps le même. Et je trouve que Napalm Storm se démarque au niveau de son vocal qui fait un petit peu plus death metal, un peu plus gras. J'ai aimé ça. J'ai aimé le petit côté à l'occasion qu'on retrouve qui me fait penser au vieux Destruction des années 80. C'est pas très puissant comme musique, j'en conviens, mais il reste que côté trash metal, c'est peut-être dans les trucs qui se fait intéressant là dans les plus récentes parutions. Je lui ai donné un 7 sur 10. Je pense que c'est un album que je vais à l'occasion rediffuser quelques extraits ici sur Réanimation. C'est sous l'étiquette Wormhole Death Records, que je ne connais pas, mais absolument pas du tout. C'est peut-être même l'étiquette, le label, si vous préférez, du band directement. Je peux pas vous en dire plus. Quoi qu'il en soit, c'était pas mauvais. J'ai une deuxième présentation à vous faire immédiatement, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il s'agit du nouvel album de la formation britannique qui, en fait, je crois que dans le créneau, on n'a pas besoin de présentation. Je parle d'un Napalm Death. Vous voyez, c'est tout à propos, Napalm Storm, Napalm Death. L'album qui est paru, en fait, je crois qu'il sortait même aujourd'hui. Là, je reçois souvent des advances là, pour ça, donc, mais je pense que c'était le 27. Je vais le vérifier. L'album qui porte le titre de Apex Predator Is Meat. Juste avant de vous en présenter trois extraits, je voulais vous dire que moi, personnellement, les Pandef, j'ai été un fan assez longtemps. J'aime encore beaucoup ce qu'ils ont fait, principalement dans la séquence des années 90 et le début des années 2000. Je dois dire qu'avec principalement l'avant-dernier album, j'avais légèrement décroché. Je trouvais que c'était un peu fatigant, c'était un peu redondant aussi, c'était plus du criage qu'autre chose, alors que Barney Greenway peut avoir une bonne voix, je dis une bonne voix dans le grind, si on peut dire, avoir une bonne voix, mais une voix qui porte, qui est pas trop stridente. Ça tombait un petit peu moins dans mes goûts, si on veut. Avec Apex Predator Is Meat, je dois dire que j'ai regagné un certain intérêt parce que quand même de bonnes pièces cet album-là, mais ça ne m'a pas enchanté outre mesure. En fait, je vous laisse découvrir cet album-là à l'instant. J'ai retenu trois titres qui sont respectivement dans l'ordre. Are the Years Condemn, Stillborn Stains et Timeless Flogging. Donc, allons écouter ces trois extraits du dernier album Napalm Death et je vous reviens avec ça dans environ, je dirais, une douzaine de minutes. Go! Yeah! 89.1. Vendredi le 6 février, votre café-bar Le Zénob vous prépare une soirée aux accents rock, garage, psychédélique avec la formation montréalaise Les Marinelli. 5$ à la porte. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Les 20 et 21 mars prochains à la Bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal en collaboration avec Long & McQuaid, Lapus Rock et Cifu 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 14e édition. 16 groupes sur deux soirs mettant en vedette Gorguts, Terrorizer, Cryptopsy, Razor, Godly Throne et Flesh God Apocalypse. Billets en prévente chez Long & McQuaid, Lapus Rock, Metal Punk, ainsi qu'au 3RMF.com au coût de $40 pour un soir ou $70 pour les deux soirs, 45 à la porte, quantité limitée. CD compilation remis gratuitement à l'entrée d'une gracieuseté de Galley Records. Les 20 et 21 mars, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Foot électro. 89.1. Et vous êtes à l'écoute de réanimation des Andel Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, le 89.1 FM. On vient d'entendre trois pièces tirées de cette nouvelle parution, qui est encore très chaude parce qu'effectivement, elle paraissait même aujourd'hui même, soit le 27, Napalm Death, le 15e album studio de cette formation britannique, soit Apex Predator Is Meat. On a entendu à l'instant Timeless Flogging, qui soit dit en passant, jusqu'à présent, est probablement ma préférée. C'était précédé de Stillborn Stains et All the Years Condemned, qui est pas mauvaise non plus, je dois dire. Bon, l'album en tant que tel, comme je le disais tout à l'heure, je l'apprécie davantage que son prédécesseur Utilitarian, qui m'avait assez déçu, je dois dire. Ça n'en fait pas pour autant un album que je place sur un piédestal, non, parce que je lui donne une note de 6,5 sur 10, ce qui est, selon les critères de votre humble serviteur, une note correcte de passage, mais qui ne fait pas d'artifice. La production est correcte. J'ai entendu des productions des Pandef qui étaient supérieures à ça, qui en rejetaient un peu plus, qui avaient plus d'impact. Ici, c'est correct, mais ça ne mérite pas de mention particulière. Bon, il faut noter que depuis un certain nombre d'années, bien sûr, c'est un quatuor maintenant. Jesse Pintado a trépassé un certain nombre d'années. Est-ce que ça l'enlève une certaine magie en Pandef? Je serais porté à le croire. Pintado avait une façon d'amener le jeu de guitare, les riffs communément appelés, plus intéressantes que Mitch Harris le fait seul. C'est pas un mauvais musicien guitariste Mitch Harris, mais je pense que Pintado avait une certaine puissance supérieure à Harris. Ça donnait une attaque, une musique qui avait une attaque qui était meilleure. On s'entend que ça existe depuis 1981. Non pas avec Barney Greenway, bien entendu, parce qu'à l'époque, on parlait de Lee Dorian, qui a changé brusquement de carrière pour s'en aller avec Cassie Drogue, sont à des opposés total, musicalement, mais depuis 81, il se peut que la formation commence à avoir un petit peu moins d'essence qu'elle en a eu, c'est possible, c'est à voir. Quoique, faut leur donner une chose, en tout cas, en ce qui concerne Barney, sur scène, il est quelqu'un à voir aller, là. Il est survolté. Donc, tout ça pour dire que Apex Predator is a meat, je lui ai accordé un 6,5 sur 10, comme je vous l'ai dit. C'est sous étiquette Century Media. Si vous voulez en faire plus une meilleure idée, eh bien, allez vous le procurer. Voilà. J'ai les chroniques cinéma, bien sûr, ce soir. J'ai aussi le countdown de ce qui... Ben, en fait, les countdowns, c'est un grand terme, disons... plutôt l'énumération de ce qui m'a plu au niveau cinéma en 2014, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai vues, que j'ai appréciées, d'autres que je n'ai pas aimées. En fait, j'ai retenu une trentaine de titres là, au total, incluant des séries télévision, comme j'ai débuté la semaine dernière, évidemment, de choses qui m'ont plu. Les choses qui ne m'ont pas plu, ben je vous le disais au fur et à mesure, à chaque semaine. Comme je vais le faire encore cette année, j'imagine. On va poursuivre avec ce troisième chapitre de la Retro Undead. Ben, en fait, je dis troisième chapitre, oui, parce que le premier, ben, c'était avec le Rockmaster. Donc, c'était consacré au choix Metal 2014 Rockmaster. La semaine dernière, c'était le deuxième volet, mais c'était mon premier volet en tant que mes choix personnels. Donc, si on veut, c'est le troisième, mais le deuxième des choix du Doc. C'est un peu mêlant, là, mais c'est pas grave. De toute façon... Vous n'avez pas à comprendre ça, vous avez qu'à subir ce que je vais vous présenter. La semaine dernière, on a terminé avec le 30 mai, soit une pièce de Vader qui était tirée de TB et Inni, soit Exon Castle. Là, on va continuer au mois de juin, soit le 10 juin, avec formation death metal américaine qui porte le nom d'Incantation. L'album Dirges of Elysium étant le 10e parution studio de cette formation. Formation américaine qui existe depuis 1989. Moi, j'ai trouvé cet album-là assez intéressant, mais je le trouve inférieur à son prédécesseur. J'avais aimé beaucoup Vanquish and Vengeance. J'avais accordé une très bonne note. Tandis que Dirges of Elysium, je lui accorderais une note de 7 maximum. Encore là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une mauvaise note, c'est une note qui est correcte. Mais malgré le fait que l'album ne m'a pas emballé dans son ensemble, il y a certains points forts qui m'ont fort plu, oui, voilà. Et dont la pièce qui je vous présente dans quelques instants, qui est Impalement of Divinity. On va poursuivre, en fait, on va se faire des blocs de 2 ou 3 pièces pour être capable de... Je sais plus que je sois capable de les commenter. On va poursuivre, on va enchaîner avec la formation Septic Flesh et une pièce tirée de Titan. Leur plus récente parution parue le 20 juin dernier, soit Prometheus. On va clore ce premier bloc avec une formation, c'est un joke band. C'est leur 4e album, From Wisdom to Bacon. Il s'agit des clowns sérieux, je dois dire, par contre, de Cannabis Corpse, qui ont fait une très belle sortie avec cet album, From Wisdom to Bacon. Il s'agira de la pièce plus THC Crystal Mountain, mais tout de suite Impalement of Divinity, Incantation, go! We'll be right back. Cannabis Corpse. Excellente pièce de Crystal. THC Crystal Mountain que l'on retrouve sur From Wisdom to Bait, qui est paru le 20 juin dernier sous les étiquettes Season of Mist. Il s'agirait de leur quatrième album studio complet. Moi, c'est une formation que j'ai découvert, redécouvert avec cet album. Honnêtement, Cannabis Corp, j'avais écouté ça, mais il y avait un certain temps, puis ça m'était sorti d'esprit. Quand j'ai vu cet album-là sortir en juin dernier, je me suis dit, ouais, ça devrait être intéressant. Et puis, je me suis procuré, puis je me suis pas attardé tout de suite. Il y a tellement de choses à écouter. Et quand j'y suis arrivé, je me suis dit, finalement, j'aurais dû l'écouter avant, parce que ça doit être un joke band. Là. Il faut dire que c'est bien fait. C'est une musique qui est efficace. Nous avions une formation, ma foi, très importante dans le mouvement du atmosphérique symphonic death metal. Il s'agit d'une formation grecque, il s'agit de Septic Flesh. Septic Flesh qui existe depuis 1990. En fait, qui ont... ils ont effectivement aussi deux versions, si on veut. Une version qui était beaucoup plus à tendance black metal. Dans les premiers albums, à compter de Mystic Places of Down, Ophidian Wheels et compagnie, c'est une formation qui donnait dans un... Oui, c'était atmosphérique, c'était symphonique, mais beaucoup moins raffiné que ce qu'ils font aujourd'hui. Maintenant, c'est vraiment grandiose. Cet album qui porte le titre de Titan est leur 9e album studio complet. C'est un très bon album. Je l'ai mis dans mon top 10 de 2014. Par contre, je lui préfère encore The Great Mass qui est paru en 2011. The Great Mass, pour moi, est un album metal parfait. En fait, je ne lui reproche rien du tout. Il est bon de A à Z. Il est grandiose. Titan est vraiment bien aussi, mais je trouve qu'il lui manque un petit peu d'ampleur comparativement à l'autre. Mais ça, c'est une question de goût, bien entendu. Et je dois dire que quand on a sorti un album d'aussi grande qualité que The Great Mass, la barre est mise très haute. On a entendu la pièce Prometheus. Et on a ouvert ce bloc de début de troisième chapitre de Retro Undead avec une pièce de Incantation. Un album qui est Dangerous of Elysium qui est paru le 10 juin dernier et la pièce assez puissante Impalement of Divinity. Formation Incantation qui existe quand même depuis la fin des années 80, je crois, 1989 précisément, qui sont encore en activité aujourd'hui, bien sûr. Et on parle ici de leur 10e album. Bon, compte tenu du fait que la formation existe depuis 89, 10 albums, c'est pas une production à tout casser, faut en convenir, mais il reste que c'est très acceptable. Cet album, Dirges of Elysium, eh bien, je pense qu'il est... il est à la hauteur de ce qu'on peut attendre de Incantation, et quoique dans le cas ici aussi présent, un petit peu plus faible que Vanquish and Vengeance, leur précédent qui est paru en 2012. On va aller en pause publicitaire et on revient avec une première section cinéma avant de poursuivre cette magnifique édition de la Retro Undead. De retour dans quelques instants. De Folk 89.1. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Du lundi au jeudi, Assemblage Requis vous sert un petit déjeuner complet. Au menu, des chroniques nutritives faites maison, des segments fraîchement préparés par nos chefs chroniqueurs et de la musique savoureuse. Deux pelletés de contenu pour commencer la journée la tête bien remplie. Est-ce qu'on peut faire moins d'analogies de déjeuner? Je te promets rien. Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Fou de Mathieu Plante. 89.1. Vous êtes de retour à Réanimation. Il est 19h59. Il nous reste encore une belle heure métallique devant nous. Simplement pour vous dire que ce vendredi, le 30 janvier, Rock Classic, émission que je co-anime maintenant avec grand plaisir avec mon cher ami le Rockmaster Alain Lefebvre, nous débutons une première partie de trois d'une spéciale, émission spéciale qui seront consacrées à l'année 1975. 1975 qui a été très riche en matière de rock. Pourquoi trois parties? C'est qu'initialement, Alain et moi, m'avait proposé le concept. Je l'avais balayé du revers de la main en disant que c'était ridicule. Finalement, il m'a obligé à le faire. Non, c'est faux. J'étais entièrement d'accord avec lui. On avait peut-être même pensé à le faire sur deux, mais il y avait tellement de choses qu'on s'est dit. Puis moi, je me suis emballé carrément. Là, j'ai recherché des trucs à n'en plus finir. Donc, il a comblé énormément avec ça. Ça nous donne trois émissions. Donc, c'est le premier volet. On va entendre des trucs qui vont être, ma foi, fort intéressants parce que, comme je l'ai dit, c'était une bonne année. Et aussi, le Rockmaster va nous présenter un album dans la chronique des groupes obscurs. C'est le quatrième album de la formation UFO, So Forced It, et un album classique. En fait, je pense que pour les amateurs de rock, c'est un incontournable. Welcome to My Nightmare de la formation Alice Cooper. Ou d'Alice Cooper, tout court, devrais-je dire. Donc, c'est une émission qui n'est pas manquée pour les véritables et vrais amateurs de vrai rock. C'est à compter de 11h ce vendredi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Côté cinéma, faisons une petite rubrique cinéma parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties en 2014. Et il y en a eu, ma foi, beaucoup d'intéressantes. Ici, je tiens à vous préciser, comme j'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas de position dans ce que je vais vous nommer, mais je vous dirai bien quand ce sera le temps quel aurait été mon meilleur film de 2014, mais je vous le réserve seulement pour la fin des éditions de Retro Undead. Un film que j'ai trouvé, en fait, il faut pas le prendre au sérieux, c'est un film de zombies, c'est la deuxième partie d'un film qui est un film étranger, qui porte un titre, le titre original est Dead Snow, je crois, mais il a été traduit en quand même assez bien avec Dead Snow, le deuxième, qui raconte les péripéties, les aventures de soldats nazis morts qui reviennent à la vie. Et dans Dead Snow 2, eh bien, ils affrontent des bolcheviks qui, eux autres aussi, sont des zombies. Mais, écoutez, les films de zombies, c'est très populaire. Les séries de zombies, c'est très populaire. Moi, ça me plaît beaucoup, évidemment, parce que ça me donne des trucs pour en faire des nouveaux. Mais aussi parce que c'est toujours un sujet qui m'a bien fasciné, bien diverti. Death Note, c'est pas un film à prendre au sérieux, c'est une comédie d'horreur, c'est très gros par moments, c'est très gore aussi, mais c'est un film qui est très divertissant. The Purge, la purge anarchie, qui est le deuxième chapitre ou volet de ce premier qui était paru en 2012, je crois. Je croyais fortement quand ce film est sorti qu'on voulait exploiter un titre qui avait bien marché. Le premier était vraiment quand même assez original, je dois le dire. Eh bien, le deuxième chapitre, Anarchie, est fort correct aussi. Il est moins flamboyant au niveau des noms qui apparaissent, mais c'est un film qui, dans le cadre d'un film d'action, violence, criminelle, fait le travail. C'est un film qui va même me tenter de revoir à un certain moment donné, donc The Purge Anarchy, c'est intéressant. Une comédie, oui, parce qu'il y a des comédies à l'occasion. Faut savoir que l'humour, en général, a tendance à vieillir difficilement. Donc, les comédies, mis à part quelques rares exceptions, que je vous parlerai tout à l'heure, faut les prendre quand elles sortent, parce que il y a des films qui, au bout de 3, 4, 5, 10 ans, sont beaucoup moins drôles. Un film que j'ai apprécié cette année, c'est Neighbors, qui met en vedette Seth Rogen. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui vient s'établir en banlieue, dans leur maison, avec un enfant en très bas âge, voire un bébé, et qui sont tous les deux... ils ont eu leur part de party, mais ils ont décidé de s'assagir. Mais ils emménagent à côté d'une résidence qui est la fraternité d'une faculté universitaire, et c'est là que toutes les choses vont basculer. C'est bon, c'est très drôle par moment. Est-ce que je vais les réécouter un jour? Je le sais pas, mais je sais que quand je l'ai vu en 2014, il m'a fait bien rire. Un film que j'ai découvert aussi avec, avec bonheur, oui, parce que j'avais pas vraiment l'attente, mais qui est fort bien, c'est Jack Ryan, Shadow Recruit. C'est un film d'action, c'est un film d'espionnage, c'est un film qui, selon moi, est le premier d'une série de peut-être deux ou trois. C'est un film, je dirais, qui ne réinvente pas le principe du film d'espionnage, d'action, mais c'est un film qui est un peu rafraîchissant, si on veut, d'une certaine façon, qui amène l'aspect, je dirais, vraiment de la recrue qui ne sait pas trop quoi faire et sait pas trop pourquoi il est là, et c'est l'apprentissage, bref, avec... si on veut, les gaffes, les erreurs, qui pourraient être mortelles souvent. C'est un film qui est assez divertissant dans le genre. Bon, le deuxième chapitre de Sin City, qui porte le titre de A Damn to Kill For, qui est un film... En fait, le premier, pour moi, est un film fétiche. C'est vraiment excellent. Zack Snyder, qui est derrière tout ça, c'est un film qui a exploité, je dirais, de façon très significative, le film noir et blanc, mais avec ce qu'on appelle en bon français « color touch-up ». C'était excellent, le premier Sin City, qui met en vedette Bruce Willis, qui met en vedette... Mickey Rourke, qui met en vedette Elijah Wood, en fait Jessica Alba, beaucoup d'acteurs connus, et c'est très comic book, c'est très bande dessinée, ça m'avait plu beaucoup. Le deuxième, Sin City, Damn to Kill For, j'avais énormément d'attentes, et c'est peut-être là qu'a été mon erreur, j'avais beaucoup d'attentes pour ce film, et je dois dire que après la sortie du premier, il y a de cela, ma foi, 6 ans, 7 ans peut-être, ben peut-être que l'effet surprise était déjà terminé, peut-être qu'on pouvait pas ramener ce qui avait été fait. C'est fort correct comme film, c'est fort correct, mais ça ne va pas à la hauteur des attentes des amateurs du premier Sin City. C'est quelque peu décevant, mais ça fait le travail. Mais je vous dis, si vous voulez le voir, assurez-vous d'avoir vu le premier initialement, parce que ça risque de vous perdre un petit peu. Il y a beaucoup de connotations qui ont rapport avec le premier volet. Tokarev, c'est un film d'action qui met en vedette Nicolas Cage, que j'ai trouvé, ma foi, très bien. Je suis pas un grand fan de Nicolas Cage. Je l'avais apprécié beaucoup dans certains titres comme Leaving Las Vegas, Maître de guerre, ces choses-là. Généralement, je trouve qu'il... Ben, en fait, depuis un certain temps, il prend à peu près n'importe quoi. Mais Tokarev, c'est quelque chose. C'est un film d'action. C'est bien sûr un film de mafia à connotation russe. Ça aussi, ça a la cote présentement. C'est très violent. C'est très méchant. Et je trouve que Cage fait un bon travail dans ce film. Et un film qui m'a vraiment surpris, qui a aucun rapport avec les films d'action, les films d'horreur, les films de science-fiction, ou encore moins les comédies, c'est Draft Day. C'est un drame. C'est un drame qui met en vedette Kevin Costner. Et Kevin Costner, depuis, je dois dire, peut-être 2 ans, 1 an et demi au moins, a repris énormément de crédibilité et de qualité dans son acting, dans son jeu de rôle. Ça raconte l'histoire d'un repêcheur pour la NFL, la Ligue nationale de football américaine, bien sûr, et des transactions qui y sont rattachés, mais la façon de procéder et surtout le tricotage que ces gens doivent faire pour être capables d'atteindre les buts visés pour avoir la meilleure équipe possible, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment, semble-t-il que les, en fait, selon les critiques que j'ai pu lire, les chroniqueurs sportifs, les gens de l'industrie du sport, principalement du football, s'entendent pour dire que ça reflète énormément la vérité et que Kevin Costner est vraiment excellent dans ce film. Je vais arrêter pour l'instant, pour tout de suite, parce que ça pourrait devenir un petit peu fatigant pour vous de m'entendre déblatérer. Simplement vous dire que non, je vais garder ça pour tout à l'heure. On va continuer musicalement cette fois-ci avec un album qui est sorti le 4 juillet dernier, une formation death metal américaine. L'album porte le titre de Omnipresent. La pièce est Unattainable Zero, pardon. Et la bande s'appelle Origin. On va poursuivre ça avec Gravedigger et Overkill. Go! Oh, By moonlight I ride with God on my mind. sur 89.1. Samedi le 31 janvier prochain, votre café-bar Le Zénob présente le spectacle des formations Crabe et Femmes Accident. Pour une soirée à la fois Unwave Cheap Punk et Shoegaze, soyez au Zénob ce samedi 31 janvier. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Soldats, ça fait des semaines qu'on se prépare. Il est temps de passer à l'attaque. Soyez des hommes! Avez-vous des questions? Ouais, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes avant? Aux toilettes! Aux toilettes avant! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 2 février, venez voir les Rouges et les Bleus s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les Coups des Franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine, tous les lundis, 13h. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou d'originalité. Sur le campus, c'est le 89.1. De réanimation, The Undead Incorporated Show jusqu'à 21h. Vous êtes à sur les ondes de C'est Fou. On vient d'entendre la formation américaine Overkill, formation qui n'a plus vraiment besoin de présentation, formation américaine qui est de New York, une formation qui existe aussi depuis 1980. En fait, initialement, il s'appelait Virgin Killer, mais ils ont changé rapidement la même année pour devenir Overkill. Il s'agissait de la pièce Peg que l'on retrouve sur White Devil Armory, qui est paru bien sûr en 2014, mais plus précisément le 18 juillet dernier. C'était le 16e album de cette formation. Et je dois dire que sont assez productifs Overkill. Généralement, on n'attend pas des années avant d'avoir de nouveaux albums. Je regarde là vite fait là, d'Electric Age, c'était 2012. Généralement, c'est aux 2 ans, ce qui est fort correct. Bon, en fait, ce qui est fort correct, c'est ce qui est la norme maintenant. Il y en a qui nous font entendre pas mal plus longtemps que ça. On a eu des groupes qui nous font entendre des fois des 4 ans et voire plus, ce qui est pas vraiment correct selon moi, parce que il me semble qu'il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Juste auparavant, nous avions Gravedigger et la pièce Tattooed Rider que l'on retrouve sur Return of the Reaper. C'est un album qui est paru sous étiquette Napalm Records le 11 juillet dernier. Ben, c'est pas le meilleur de Gravedigger, mais Gravedigger, généralement, ils ont tous un petit charme, leur album. Donc, celui-là n'y échappe pas non plus. Il est fort correct. Ça faisait très contraste avec ce qui passait juste auparavant, soit Origin, une formation de Dead Brutal américain. Ouais, disons que c'était un peu aux antipodes de Gravedigger. Origin, c'est une formation qui a, je crois que c'est 5... Ouais, en fait, avec celui-ci, c'est 6 albums, soit Omnipresent. C'est pas le meilleur qu'ils ont fait, Omnipresent. C'est pas le pire non plus. Mais je pense que c'est un album qui est quand même intéressant pour les amateurs de death metal. La pièce était Unattainable Zero, qui selon moi est la meilleure de l'album. C'était sous étiquette Agonia Records. Si je reviens, je vais aller faire un petit tour du côté des spectacles avant. BCI, Brave Concert International, présente... As-tu bien de terre, toi? Présente le 3 février prochain, qui est un mardi. Ah ben non, vous pouvez pas y aller, c'est réanimation. Ben, vous ferez votre choix. C'est le Pirate Fest 2015 qui met en vedette Swashbuckle, The Dead Crew, et Odd Wood. C'est au Club Soda, c'est à 20h. Les billets sont disponibles, les billetteries du Club Soda, au coût de 21,74 et 26,9 plus taxes. Et bien sûr, ce qui s'en vient relativement rapidement, c'est le Trois-Rivières Metal Fest. Il s'agit de la 14e édition qui se tiendra les vendredis et samedis 20 et 21 mars prochains à la bâtisse industrielle ici même à Trois-Rivières. Vous pourrez voir les formations Soothsayer, Augury, Cryptopsy, Terrorizer, Godly Throne, Carcass, Genetic Error, ça c'est un retour. Benight, Razor, Gargots, Flesh God, Apocalypse. En fait, il y a aussi d'autres formations qui sont là. Mais bon, bref, c'est la 14e édition. J'espère que vous y assisterez. Cette fois-ci, ça se commet pas l'automne, mais bien au printemps. Donc, on souhaitait que la température soit clémente pour que vous puissiez y assister à grand monde, en grand nombre. Mais c'est incroyable ce soir comment je déparle. Les billets sont disponibles aux endroits suivants sur le www.3rmf.com, Long and McQuaid, ici à Trois-Rivières, la Puce Rock, aussi disquaire à Trois-Rivières, Metal Punk, Puce Rock et disquaire et Rock Goodies, bien sûr. Metal Punk est un disquaire ici à Trois-Rivières aussi. Frisson, Centrale, Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Ruban de Drummondville. Vous avez juste à vous rendre sur le www.3rmf.com. Voilà. Vous finir par venir à bout. Moi, ça n'a pas d'allure. Je vais peut-être trop en dire en même temps. La semaine prochaine, je vous avais dit la semaine dernière que, en ce qui regardait la sortie du nouvel album de Venom, qui sort aujourd'hui, From the Very Death, que j'étais probablement pour le présenter peut-être plus à Rock Classic. Eh bien non, compte tenu de l'étendue de notre spécial 1975, j'ai décidé de le faire ici même à l'animation, mais la semaine prochaine. Donc, ce sera le, je ne sais plus quelle date, la semaine prochaine. Laissez-moi vérifier, le 3, si je ne m'abuse, le 3 février, voilà. Donc, ce sera le... que j'ai écouté. Je n'ai pas écouté de long en large, mais que j'ai écouté d'une oreille relativement attentive et que j'ai trouvé très bien, je dois dire. Je suis pas un fan invétéré de Venom. J'ai connu ça quand c'est sorti. Ça avait fait révolution. On n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi épouvantable dans l'esprit du black metal, on s'entend. Aujourd'hui, c'est du rock, là, Venom, par moment, là. Mais il reste que cet album-là, je trouve que... Et Kronos, c'est un gars persistant, faut le dire. Je trouve que From the Very Death et Very Death est un album très correct. Donc, la semaine prochaine, on s'en reparlera un peu plus. Juste une petite tournée cinéma encore. Un film intéressant qui va sortir dans un mois, jour pour jour, le 27 février, c'est The Lazarus Effect. Et The Lazarus Effect, ça parle d'une équipe de chercheurs universitaires qui découvrent comment ramener les morts à la vie. Et ils ne peuvent s'imaginer que leurs expériences vont déclencher quelque chose de peut-être peu agréable. Je le disais tout à l'heure, les zombies, les morts-vivants, ça a la cote, ça le prouve encore une fois ici. J'ai écouté un film la semaine... c'est le week-end dernier. C'est un film dont on ne m'avait dit que du bien. Je l'ai vu et je n'ai que du bien de dire de ce film, c'est Interstellar. C'est un film de science-fiction qui met en vedette Matthew McConaughey, Anne Hathaway et John Lithgow. C'est un film de Christopher Nolan. Christopher Nolan, le rappelez-vous, là, il est derrière les derniers Batman. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait des films à petit budget et c'est pas quelqu'un qui fait des films qui sont poches. C'est vraiment excellent. Matthew McConaughey est vraiment très, très, très bon dans son rôle. Et grosso modo, ça raconte l'histoire d'une... Ben, en fait, c'est un peu un sujet à, je dirais... à intérêt général dans le monde du cinéma depuis un certain temps. Les ressources naturelles de la Terre sont pratiquement épuisées. On va avoir des famines mondiales et ainsi de suite. Ben, quoi que ça pourrait arriver, effectivement, aussi. Il y a une équipe de la NASA dans un lieu très, très, très secret qui a mis au point des lancements d'engins spatiaux pour aller tenter de pouvoir coloniser ou, en fait, faire les premières approches avec des planètes qui, selon les informations prises, les recherches faites, pourraient être colonisables. On parle des planètes de notre système solaire. Donc, le personnage interprété par McConaughey est, malgré lui, ou en fait, pas malgré lui, mais ce n'est pas partie de ses plans de match, disons, devient, parce qu'il est pilote lui-même d'essai, le pilote d'une de ces missions-là. Et on joue énormément avec l'espace-temps. On joue beaucoup avec les principes de gravité. On joue beaucoup avec les échelles de vitesse-lumière. C'est vraiment très, très, très bon. C'est un film qui dure 2h45 et je ne lui ai pas trouvé une minute de longueur. C'est vraiment très bon. Je lui ai donné un 9 sur 10. C'est un des très bons films de science-fiction que j'ai vu. Et si j'avais vu ce film, parce qu'il est 2014, si j'avais vu ce film avant 2015, eh bien, je l'aurais certainement mis dans ma rétrospective cinéma 2014. Je vous le recommande. C'est très intelligent comme film et c'est très peu conventionnel. La semaine prochaine, je vous entretiendrai possiblement, je crois, avoir le temps d'un film d'horreur qui porte le nom de Wolves. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, le film que je vous recommande de découvrir ou de revoir est un film qui a 40 ans, qui a été fait en 1974, et je parlais de la comédie tout à l'heure. C'est une comédie qui est signée de Mel Brooks. C'est Young Frankenstein. J'ai dit tout à l'heure que les comédies, la comédie en général, ne vieillit pas nécessairement tout le temps bien pour divers facteurs, diverses raisons et surtout des contextes sociaux. Young Frankenstein n'en a pas de contexte social puisqu'il se déroule ben principalement dans une atmosphère, non pas une année particulière, mais une atmosphère très transylvanienne à l'époque du baron Victor Frankenstein. Et lui, il est le petit-fils de ce baron Frankenstein. Et malgré lui, il reviendra au château, au manoir de son aïeul pour refaire les mêmes expériences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Mel Brooks, qui est encore vivant d'ailleurs, mais beaucoup moins actif, là, c'est qu'il a une conception de l'humour qui parfois est très ridicule, qui est tellement grosse par moment qu'elle est hilarante. Moi, Young Frankenstein, je l'ai réécouté, bien sûr, pour vous en parler, parce que je ne fais pas ça que de mémoire, et il y avait, ma foi, plusieurs années que je ne l'avais pas vu, une dizaine facilement. Je l'ai réécouté avec grand plaisir. C'est un film noir et blanc, faut le savoir. C'est un film qui met en vedette Gene Wilder, Marty Feldman. Marty Feldman, c'est un des personnages fétiches, entre autres, comme Gene Wilder, de Mel Brooks. Et il a une particularité assez physique. Et Terry Garr. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est pas aussi hilarant, probablement, que lorsqu'il est sorti en 1974. J'ai pas vu au cinéma quand il est sorti en 74. Je l'ai vu par après, mais c'est encore très bon et c'est bien fait. Bon, voilà. Ceci étant dit, j'en ai parlé de plusieurs choses, hein, pour au moins une bonne dizaine de minutes. On va retourner musicalement cette fois-ci avec une formation que j'ai déjà diffusée il y a un certain nombre d'années à Réanimation, que j'avais perdu de vue. Où je m'étais désintéressé, selon le cas. Il s'agit de la formation suédoise The Haunted, qui donne dans un dead post-thrash metal très énergique, très, je dirais... souvent, ils ont fait de bonnes choses. Je me rappelle de l'album One Kill Wonder de 2003, de Revolver de 2004, qui était fort intéressant. Mais je les ai perdus de vue jusqu'à la sortie de Exit Wounds, qui est paru précisément le 25 août dernier, sous étiquette Century Media. Et je me suis attardé à cet album-là très tardivement dans l'année. Je n'avais pas eu vraiment le temps ou peut-être même la prestance d'idée de le présenter, mais on va se rattraper un peu parce que j'ai trouvé que cet album était fort correct. Je vous propose la pièce Eye of the Storm. C'est tiré de Exit Wounds qui est paru le 25 août dernier. On va suivre ça avec l'excellent album des très grands Cannibal Corpse et une pièce du très très bon dernier album de ces Polonais, Decapitated, l'album étant Blood Mantra. Donc allons-y tout de suite avec The Haunted. Go! Please spare me all your bullshit. What you feel you inside? Les excellents Cannibal Corpse et la pièce High Velocity Impact Spatter, pièce d'ouverture de ce dernier album, A Skeletal Domain, qui est paru le 10 septembre dernier sur l'étiquette Metal Blade. Ça fait, mais en fait, je pense qu'on a toujours été sur Metal Blade, ou à peu près. Je vais donner une excellente note à cet album de Cannibal Corpse. Je crois que je lui avais donné un 9 sur 10. Faudrait que je vérifie. Je l'ai pas sous la main, cette cotation. Cette appréciation, devrais-je dire, mais ça se trouverait assez facilement. Nous avions des Haunted auparavant. La pièce étant Eye of the Storm, que l'on retrouve sur Exit Wounds, qui est paru le 25 août dernier, formation suédoise, sur les étiquettes Century Media. La semaine prochaine, il y a des fortes chances que je vous présente aussi quelque chose. J'ai reçu je sais pas comment dire ça en français, cet advance, ce... Je sais pas. Peu importe. Bref, c'est une promotion, si on veut, de quelque chose qui est à venir. Au niveau musical, en l'occurrence, il s'agit de... J'ai reçu ça de mon bon ami John Asher, qui fait un excellent travail de distribution au niveau des formations canadiennes. Ici, on parle d'un duo qui donne dans un death metal industriel, en fait, à connotation industrielle. Il s'agit de Arbitrator, formation qui vient de Calgary, en Alberta. C'est le premier album studio complet qui est à sortir le 15 février prochain, qui porte le nom de Indoctrination of Sacrilege. C'est sous étiquette indépendante. J'ai un extrait qui est parfaitement autorisé d'être diffusé, qui porte le nom de For What Which May Appease Lions. Il y a de fortes chances que je vous propose ça la semaine prochaine parce que j'ai écouté cet extrait, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Formation qui est très jeune, je dois dire, puisqu'elle existe depuis 2010. En fait, quand je regarde vraiment le pedigree de la formation, on parle de deux membres, soit Robert Kukla, qui est au vocal, la guitare, la programmation depuis le début, et il a été joint en 2011 par Brett Duncan au niveau de la batterie, du drum, si vous préférez. Donc, ça risque d'être quelque chose que je vais vous présenter parce que c'est assez intéressant. N'oubliez pas, ce vendredi, dès 11h, soit le 30 janvier, Rock Classique, en la compagnie du Rockmaster et la mienne, spécial 1975 qui débute cette semaine pour 3 volets. Donc, beaucoup de choses qui sont sorties au niveau du rock en 1975. Ça va être très intéressant. On aura aussi plein de présentations comme à l'habituel, comme les albums classiques. Cette semaine, c'est Welcome to My Nightmare d'Alice Cooper. Formation obscure. Cette semaine, c'est la 4e parution de UFO. Qui porte le titre de Force It, je crois. Force It, voilà, c'est en plein ça. Donc, une émission de 6 heures de rock et aussi, je dois le dire, de disjonctage à l'occasion et même fort souvent. Dans quelques instants, parce que présentement, il est 20h49 et l'émission s'achève. Et ce sera le tour de Matière Noire, qui est une émission consacrée au métal progressif et ouais, musique obscure. Donc, ça risque toujours d'être intéressant. Je ne sais pas s'il sera seul ou accompagné ce soir, mais bon, peu importe. C'est une émission qui mérite d'être écoutée et qui gagne à être écoutée d'ailleurs. Donc, comme je le disais, la semaine prochaine, bon, ben écoutez, on va en être... T'apprends à me dire que je sais pas si ça va dépasser les quatre chapitres de la Retro Undead. Je sais pas. Je vais essayer que non, parce qu'il y a quand même d'autres choses à voir là, après ça. Mais j'ai retenu beaucoup de stock. Donc, bon, on va se quitter sur une dernière pièce parce que j'arrive vraiment pas le temps de vous en passer autre. Un album que j'ai trouvé, en fait, il fait partie de mon top 10 2014. Il est exactement en 4e position. Il s'agit de Decapitated et l'album Blood Mantra. J'ai trouvé cet album excellent. Je dois dire, peut-être moins conceptuel que Carnival Is Forever, son prédécesseur, mais tout aussi bon, certainement. Très puissant, très bien fait, très intelligent et une excellente production. On va écouter la pièce que j'ai retenue pour cette rétrospective, soit la pièce Veins. Donc, je ne vous reparlerai pas d'ici la fin d'émission. Restez sur Cifou pour Matière Noire. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas cette prescription de votre bon docteur. Ah, pourquoi vous demandez pourquoi Horace n'était pas là ce soir, hein? Eh bien, Horace est à son cours d'anglais. Donc, comme je le disais, allez tous vous faire foutre.